Production orale. Se préparer. 1. L'entretien dirigé. Activité 11. 1. Je m'appelle Amélie. 2. J'ai un frère et deux sœurs. 3. Je me lève à 7 heures et je vais à l'université à 8 heures. 4. Je fais de l'équitation. 5. J'habite à Madrid, en Espagne. 6. Mon père s'appelle Thomas et ma mère s'appelle Angelina. 7. Mon père a 41 ans et ma mère a 38 ans.